Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. L'ombre des Guermantes, c'est le sous-titre de la biographie de la comtesse Gréfulle que fait paraître Laurie Drin chez Frère Marion. Un sujet sur mesure pour Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Si la belle époque porte ce nom, c'est à des égéries comme la comtesse Gréfulle qu'elle le doit. Je suis très heureux de recevoir sa biographe cet après-midi et d'en profiter pour aller faire une petite escapade. J'ai un peu l'impression que c'est à moitié dimanche aujourd'hui. On est au milieu du pont de ce 11 novembre et nous allons faire un petit tour, non pas du côté de mes églises, mais bien du côté de Guermantes, évidemment. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de David via Facebook sur les origines du cerf-volant. Bon, on reste dans la note, d'une certaine manière. Nous entrons de plein pied dans ces années 1900 où la comtesse Gréfulle, vous savez qu'autrefois à Paris, dans les milieux élégants, on disait Gréfeuille, cette dame qui donnait le ton, en quelque sorte, à l'élégance, était à la fois, bien entendu, une dame très mondaine, mais en même temps curieuse, savante, vous allez voir. Elle était tout à la fois tradition et avant-gardisme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Monsieur de Guermantes rentra et bientôt sa femme, toute prête, haute et superbe, dans une robe de satin rouge dont la jupe était bordée de paillettes. Elle avait dans les cheveux une grande plume d'autruche teinte de pourpre et sur les épaules une écharpe de tulle du même rouge. « Comme c'est bien de faire doubler son chapeau vert, » dit la duchesse à qui rien n'échappait. « D'ailleurs, en vous, Charles, tout est... » Elle parle à Swann, bien entendu. « Tout est joli, aussi bien ce que vous portez que ce que vous dites, ce que vous lisez et ce que vous faites. » Swann, cependant, sans avoir l'air d'entendre, considérait la duchesse comme il eût fait d'une toile de maître et chercha ensuite son regard en faisant avec la bouche la moue qui veut dire « bigre ». Madame de Guermantes éclata de rire. « Ma toilette vous plaît, je suis ravie. Mais je dois vous dire qu'elle ne me plaît pas beaucoup, » continua-t-elle d'un air maussade. « Mon Dieu, que c'est ennuyeux de s'habiller, de sortir, quand on aimerait tant rester chez soi. » « Quel magnifique rubis! Ah, mon petit Charles, au moins on voit que vous vous y connaissez. Vous n'êtes pas comme cette brute de Montcerfeuil qui me demandait s'ils étaient vrais. Je dois dire que je n'en ai jamais vu d'aussi beaux. C'est un cadeau de la grande duchesse. Pour mon goût, ils sont un peu gros, un peu vert à Bordeaux, plein jusqu'au bord. Mais je les ai mis parce que nous verrons ce soir la grande duchesse chez Marie-Gilberte, » ajouta Madame de Guermantes, sans se douter que cette affirmation détruisait celle du duc qui venait, quelques minutes plus tôt, de donner de l'origine de cette sublime parure une toute autre explication. Vous voyez qu'on est en plein dans cette extraordinaire musique proustienne. Et voilà ce que, un petit peu plus tard, dit Marcel Proust. Le duc et la duchesse de Guermantes, Bazin et Oriane, sont sur le point de partir pour une grande soirée. Madame de Guermantes s'avança décidément vers la voiture et redit un dernier adieu à Swann. « Vous savez, nous reparlerons de cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble. On vous aura bêtement effrayé. Venez déjeuner le jour que vous voudrez. » Pour Madame de Guermantes, tout se résolvait toujours en déjeuner. « Vous me direz votre jour et votre heure. » Et relevant sa jupe rouge, elle posa son pied sur le marchepied. Elle allait entrer dans la voiture quand, voyant ce pied, le duc s'écria d'une voix terrible. « Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse? Vous avez gardé vos souliers noirs avec une toilette rouge. Remontez vite, mettre vos souliers rouges. Ou bien, dit-il au valet de pied, dites tout de suite à la femme de chambre de Madame la Duchesse de descendre des souliers rouges. Mais mon ami, répondit doucement la Duchesse, gênée de voir que Swann, qui sortait avec moi, mais avait voulu laisser passer la voiture devant nous, avait entendu, puisque nous sommes en retard. Mais non, nous avons le temps. Il n'est que moins 10, nous ne mettrons pas 10 minutes pour aller au parc Monceau. Et puis enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il serait 8h30, ils patienteront. Vous ne pouvez pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. D'ailleurs, nous ne serons pas les derniers. Allez, il y a les Sassenages, vous savez qu'ils n'arrivent jamais avant 9h-20. On est de plein pied, on est totalement immergé dans ce Paris des belles années 1890-1900, dans cette belle époque élégante. La robe rouge de la duchesse de Guermantes est restée une sorte de... on pourrait presque dire de totem pour les Proustiens. Et il faut vous dire que cette robe et ce ton et cette allure et cette façon de parler, cette espèce de familiarité qui se veut extrêmement simple et qui en vérité l'est très peu, tout ça vient d'un modèle. Et ce modèle, c'est la célèbre comtesse Gréfulle. Je dis célèbre, mais si elle est encore célèbre aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Proust et grâce à ce personnage de la duchesse de Guermantes qu'elle a largement inspiré. C'est un étrange paradoxe, écrit Laurie Hillerin dans les toutes premières lignes de sa biographie. La comtesse Gréfulle, qui fut la vedette de Paris à la Belle Époque et bien après, est aujourd'hui totalement inconnue du grand public. Sa figure légendaire pour ses contemporains a été effacée par une autre légende bien plus puissante, immortelle légende de papier, celle des Guermantes. Et oui, c'est vrai, c'est tout le paradoxe. On sait qu'elle fut l'un des modèles d'Oriane et de sa cousine, nous dit Laurie Hillerin, mais on n'a pas encore mesuré le rôle clé qu'elle a joué dans la genèse de la recherche, dans la mystérieuse alchimie créatrice qui conduisit Marcel Proust à édifier sa cathédrale. Vous savez que c'est ainsi qu'effectivement il nommait l'immense édifice de papier de la recherche du temps perdu, à édifier sa cathédrale autour de la figure mythique des Guermantes. Et Laurie Hillerin ajoute, ironie du sort, elle qui avait gouverné sa vie et son image comme une œuvre d'art dans l'objectif d'être inoubliable, y a échoué, précisément parce qu'elle avait trop bien réussi. Le roman l'a emporté sur la vie, il a dévoré et fait disparaître la femme réelle qui aura tant voulu laisser une trace. C'est elle que j'ai voulu faire revivre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que, au-delà même de la trace, c'est l'ensemble de la vie, c'est l'ensemble de la pensée et du souffle de la comtesse Gréfulle qui nous apparaît dans cette recherche du temps perdu. Il ne fait aucun doute que Proust avait un faible pour Madame Gréfulle, écrit Céleste Albaret dans ses célèbres souvenirs. Vous savez que Céleste Albaret était la femme de chambre de Proust et au-delà d'être sa femme de chambre dans les dernières années, elle aurait été littéralement un peu sa nounou, disons. En tout cas, sa gouvernante, elle était là constamment avec lui, elle l'aidait, elle vivait presque à sa place. Elle a sans doute en partie seulement, inspiré quant à elle le célèbre personnage de Françoise. Mais bien sûr que Céleste était infiniment plus fine, plus douce, plus gentille que la bourrue Françoise qui, dans La recherche du temps perdu, est accombrée dans un premier temps la domestique de la tante du narrateur et puis va devenir peu à peu la femme de chambre de ses parents. « Voyez-vous, Céleste, c'est l'aveu que je peux faire aujourd'hui, » m'a-t-il dit une nuit, c'est donc Céleste Albaret qui parle de Marcel Proust. « Je crois que dès la première fois où je l'ai aperçue, j'ai été totalement séduit. Elle avait une race, la race, une allure, un port de tête et de cou. Et quelle façon de coiffer son oiseau de paradis dans ses cheveux uniques !» Et de ses mains agiles, nous dit Céleste Albaret, il imitait la pose gracieuse de l'oiseau sur l'édifice des cheveux. C'était inné en elle, disait-il. Elle était la seule. Je ne sais combien de fois je suis allé à l'opéra, rien que pour admirer son port quand elle gravissait l'escalier. J'étais là, je la guettais, la voir passer dans la grâce de son cou sous l'oiseau qui avait l'air de s'être posé de lui-même. Ah, c'était une félicité. Thank you. terminer sur Europe 1 avec un extrait de la méditation de Thaïs. Replongeons avec vous, Franck Ferrand, au cœur de la belle époque avec la duchesse de Guermantes et à celle qui l'a inspirée, la comtesse Gréfulle. Alors, Myriam Chimène, dans un ouvrage qui s'appelle « Mécènes et musiciens du salon au concert à Paris sous la Troisième République », nous raconte la toute première rencontre entre Marcel Proust et la comtesse Gréfulle. Après avoir aperçu pour la première fois la comtesse Gréfulle, Proust, en effet, écrit à son ami Robert de Montesquieu, voilà ce qu'il lui dit. J'ai enfin vu hier chez Madame de Wagram la comtesse Gréfulle. Elle portait une coiffure d'une grâce polynésienne et des orchidées mauves descendaient jusqu'à sa nuque, comme les chapeaux à fleurs dont parle Monsieur Renan. Mais tout le mystère de sa beauté est dans l'éclat et dans l'énigme surtout de ses yeux. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Vous avouerez qu'il va bientôt falloir que nous nous posions la question. Monsieur Proust était-il, somme toute, amoureux de la comtesse Gréfulle pour lui réserver tous ses hommages répétés, multipliés dans sa correspondance, dans ses notes, dans ses papiers. À chaque fois qu'elle apparaît quelque part dans un salon, il est littéralement ébloui. Voilà comment il décrit l'arrivée à un concert chez la princesse Edmonde Polignac. Je le cite de nouveau. C'était une chose charmante que de voir le prince conduire à sa place, qui était celle du bon juge et du soutien fervent, celle de la beauté reine en somme, la comtesse Gréfulle, splendide et rieuse. Au bras du prince, alerte et courtois, elle traversait l'atelier dans le sillage murmurant et charmé que son apparition éveillait derrière elle, et dès que la musique commençait, écoutait, attentive, l'air à la fois impérieux et docile, ses beaux yeux fixés sur la mélodie entendue, pareil à un grand oiseau d'or qui guette au loin sa proie. Marcel Proust est, vous le voyez, complètement ébloui. Et nous avons, dans cette nouvelle biographie de la comtesse Gréfulle, nous avons un document inédit tout à fait étonnant. Laure Hillerin a découvert ça dans les archives de la famille. Et elle a découvert un jeu d'épreuves sur papier bleu, nous dit-elle, composé de 8 pages numérotées en haut au crayon bleu de 3G à 10G. Pourquoi de 3G à 10G? Parce que les deux premières pages manquent. Ce qui fait que, mais c'est très beau, moi, je trouve, ce genre de document dont manque l'incipit. Vous savez, on ne voit pas comment ça commence. On attrape, en quelque sorte, la relation en vol. C'est le terme qui convient, car vous aurez remarqué qu'à chaque fois que Proust parle de la comtesse Gréfulle, l'image, la métaphore qui s'impose est toujours celle de l'oiseau, celle des plumes, en quelque sorte celle du vol, comme si elle marchait un peu au-dessus du sol, comme en lévitation, cette comtesse qu'il admire tant. À tout moment, écrit donc Marcel Proust dans cette relation, qu'il signe d'ailleurs d'un pseudonyme, il signe Dominique, comme le faisait Stendhal. C'est Laure Hillerin qui fait remarquer que ce pseudonyme est emprunté au grand Stendhal. À tout moment, donc, une réflexion drôle arrache un éclat de rire à Madame Gréfulle. Ah, la jolie chose! Elle reste un moment indécise, comme hésitant devant la propre fusée de son rire, qui tout d'un coup jaillit délicieusement, jetant et égrenant sans compter. Ça, c'est un trait qu'on retrouvera tel quel chez la duchesse de Guermantes, qui se définit, au-delà de ses tenues extraordinaires, de cette espèce d'humour familier et du regard tellement ou si faussement bienveillant qu'elle pose sur les gens et les choses, qui se définit par ce rire en cascade, ce rire cristallin qui, en quelque sorte, se retrouve de page en page à travers la recherche et notamment dans les deux tomes du côté de Guermantes. Et d'elle, on ne détache point ses regards, poursuit Marcel Proust. Elle est belle du flamboiement des yeux fixés sur elle. Elle a partout une rivale dans l'attention charmée de tous. C'est la Diane de Houdon qui est sur la cheminée. Houdon, le grand sculpteur du XVIIIe siècle, vous savez. Car je vous ai présenté, en bon auteur dramatique, tous les personnages de cette petite représentation mondaine, avant que l'action s'engage, mais je ne vous ai pas parlé d'un spectateur inanimé le plus vivant de tous, la Diane de Houdon, faute d'autant plus grave que c'est elle qui m'a fourni le titre de cet article. On devine donc que le titre aujourd'hui perdu contenait le nom de Diane. Cette Diane a une histoire, Voulez-vous que je vous la dise bien vite avant que la fête commence? Mais dépêchons-nous, car je vois un grand mouvement se dessiner. Monsieur Greffuhl est sorti précipitamment du salon. J'ai idée que Sa Majesté n'est pas loin. Et oui, on reçoit ce soir-là un roi, figurez-vous. Quel roi? L'histoire, Proust, ne le dise pas. Mais on peut imaginer, on est dans cette époque, dans cette Europe de la Belle Époque, où les rois ne manquent pas, notamment dans les différents États allemands. Donc, poursuit Marcel Proust, je vais finir par faire autant de digressions que lui si ça continue. Donc Madame Greffuhl, pour un bal costumé, désirait, il y a une dizaine d'années, se mettre en Diane et voulut voir pour cela une Diane de Houdon qui était chez des voisins de campagne à elle, gens très simples et qu'elle ne connaissait pas. Ce qui fut fait. Là-dessus, grand deuil dans cette maison où meurt, je ne sais pas si c'est la fille ou la femme du propriétaire de la Diane. Madame Greffuhl croit devoir aller consoler ces gens. Elle le fit très naturellement, sans se douter qu'elle le fait d'autant mieux, laissant parler son cœur qui est éloquent. 10 ans se passent, le propriétaire de la Diane meurt, lui laissant par testament la statuette en souvenir de cette visite. « On a la lettre !» nous dit Proust, car elle n'avait pu être faite qu'ainsi. Voyez le journal des Goncourt que je n'ai pas sous la main. Et voilà comment l'adorable invité de marbre est, ce que voudraient beaucoup d'autres en chair et en os, de toutes les fêtes de Madame Greffuhl. Non, ce n'était pas le roi, j'ai le temps de vous finir mon récit, il n'est pas encore là, nous dit Proust, qui alors se lance, un peu comme dans les grandes généalogies bibliques, dans une sorte d'énumération, on appellerait ça aujourd'hui du name-dropping, de toutes les personnalités mondaines figurant à cette extraordinaire fête. Et voilà, finalement, il faudra, dit-il, reprendre quelques jours ce portrait dont je commençait à peine la première esquisse, car au bras de Madame Greffuhl entre le roi. Je ne le décrirai pas pour ne pas le faire connaître, puisqu'aussi bien je peux lui garder son incognito. Au reste, dites-vous que cela n'a aucune importance, car quel est le roi qui n'est pas allé rue d'Astorgue ou à Bois-Boudran? Ce sont donc les deux domiciles de Madame Greffuhl. Il ajoute, Proust ajoute, une visite à Madame Greffuhl fait aussi inévitablement partie du programme de l'emploi du temps d'un souverain de quelque importance à Paris, n'y passa-t-il qu'un jour, qu'une visite à l'Élysée, au Louvre ou à Notre-Dame. Voilà une façon un peu monumentale de présenter son égérie. Madame Greffuhl, muse avec les poètes, royale avec les rois et bonne avec tous, et belle pour tous, s'avance au bras du roi et lui fait faire ou refaire la connaissance. Et alors là, de nouveau, énumération mondaine à n'en plus finir. Il y a parmi les invités la princesse Alexandre de Chimay. Ça n'est pas du tout un hasard. Vous allez voir quel rôle les Chimay vont jouer dans cette histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'une des muses de Marcel Proust, la comtesse Greffuhl. Mariée au richissime Henri Greffuhl, nous dit Delphine Perras, que je salue, la comtesse occupait une position mondaine exceptionnelle. C'est précisément pour cette raison que l'histoire l'oubliera en la cataloguant un peu vite au rayon des femmes du monde sans cervelle. C'est oublier qu'elle a accompli un nombre de choses extraordinaires pour les arts, la musique en particulier, et la science. Cette amie de Rodin et de Marie Curie, j'en profite pour vous signaler que nous parlerons de Marie Curie et de son rôle lors de la Première Guerre mondiale dans l'émission de demain, qui sera l'émission du 11 novembre. Évidemment, cette amie de Marie Curie fut une fundraiser avant l'heure, c'est-à-dire, vous savez, ces femmes de la haute société qui passent leur temps à recueillir des fonds pour un certain nombre de bonnes œuvres d'œuvres d'utilité publique, levant des fonds pour organiser des spectacles et encourager la recherche fondamentale, écrit-elle. Et Delphine ajoute, elle a remis Wagner à l'honneur, patronné Fauré, soutenu les ballets russes, promu les travaux d'Édouard Branly, trouvé le financement de l'Institut du Radium. Elle avait le génie des relations publiques, le don de mettre en contact les bonnes personnes au bon moment. En créant la Société des grandes auditions musicales, elle a fait le lien entre les musiciens et les mondains, dont certains disposant d'immenses fortunes pouvaient financer les concerts et remplir les théâtres. Le tout Paris rêvait d'être reçu dans son mythique hôtel particulier de la rue d'Astorgue, dans le 8e arrondissement. Évidemment, cet hôtel particulier qu'on surnommait à Paris à l'époque le Vatican. Elle avait donc cette grande culture littéraire, classique, littéraire et musicale, il faut le dire. Dans les salons de la Troisième République, Anne-Martin Fugier insiste sur cet aspect. Elisabeth a travaillé avec sa mère qui avait étudié le piano avec Camille Omira, nous dit-elle, la dernière élève de Chopin, puis avec Clara Schumann. Atavisme musical dans la famille, c'est chez le père de Marie de Montesquieu que Liszt, à son arrivée à Paris, s'était pour la première fois produit en public. Les 5 frères et sœurs d'Elisabeth jouaient tous d'un instrument, elle-même prenait également des cours de guitare. Par ailleurs, Elisabeth dessinait et elle s'initiait à la photographie avec Paul Nadar, mais c'est à la musique qu'elle dut de grands moments de bonheur, comme sa découverte de Wagner en juillet 1891 à Bayreuth, où l'avait entraîné son cousin le comte Robert de Montesquieu. « Rien ne peut vous donner une idée de ce à quoi on assiste ici », écrit-elle à son mari. « Je crois que c'est l'impression d'art la plus forte qui se puisse ressentir ». C'est Robert de Montesquieu, justement, qui a introduit dans le salon de Madame Gréful les Goncourt. Alors, il avait aussi introduit Heredia, Judith Gautier, etc. Mais voilà ce que nous raconte Edmond Goncourt le 25 avril 1891. On est dans le journal, bien entendu, hein, le journal de Goncourt. Il raconte la visite qu'il a faite la veille au soir à la comtesse qui voulait causer un peu seule avec lui, nous dit Anne-Martin Fugier. On m'a fait monter dans un grand salon aux boiseries dorées, égayé par un admirable meuble de Beauvais aux bouquets de fleurs les plus papillonnantes sur un fond crème, un meuble au nombre incroyable de chaises, de fauteuils, de grands canapés, de petits canapés pour tête à tête, dans la pièce éclairée à giorno. La comtesse arrive bientôt, décolletée dans une robe noire, aux espèces d'ailes volantes derrière elle, et coiffée les cheveux très relevés sur la tête et surmontée d'un haut peigne en écaille blonde, dont la couronne de boule fait comme un peigne héraldique. Là-dedans, au milieu de ce mobilier d'un autre siècle, l'ovale délicat de son pâle visage, ses yeux noirs doux et profonds, la sveltesse de sa personne longuette, lui donne quelque chose d'une apparition, d'un séduisant et souriant fantôme, si l'on peut dire. Caractère que je retrouve un peu exagéré et poussé à la maladie dans son portrait en pied pastellé par Helle. On peut dire que Edmond Goncourt a été, comme Proust, complètement ébloui par la grâce de cette muse du Paris de la Belle Époque. La comtesse Gréful va vieillir, évidemment, comme tout le monde, et j'ai envie de dire, comme celle à qui elle a servi de modèle, comme la duchesse de Guermantes que l'on retrouve dans Le Temps retrouvé à la toute fin de La Recherche du Temps perdu, vous savez. Et alors, le narrateur, Marcel, si vous voulez, s'approche de celle qui est devenue, maintenant, évidemment, la vieille duchesse de Guermantes. Et il lui dit: ça me rappelle la première soirée où je suis allé chez la princesse de Guermantes, où je croyais ne pas être invité et qu'on allait me mettre à la porte, et où vous aviez une robe toute rouge et des souliers rouges. Vous voyez le rappel de ce que je vous lisais tout à l'heure. « Mon Dieu, que c'est vieux tout cela !» dit la duchesse de Guermantes, accentuant ainsi pour moi l'impression du temps écoulé. Elle regardait dans le lointain avec mélancolie et pourtant insista particulièrement sur la robe rouge. Je lui demandai de me la décrire, ce qu'elle fit complaisamment. « Maintenant, cela ne se porterait plus du tout, » dit-elle. « C'était des robes qui se portaient dans ce temps-là. » Mais est-ce que ce n'était pas joli ?» lui dis-je. Elle avait toujours peur de donner un avantage contre elle par ses paroles, de dire quelque chose qui la diminua. « Mais si, moi je trouvais cela très joli. On n'en porte pas parce que cela ne se fait plus en ce moment, mais cela se reportera. Toutes les modes reviennent, en robe, en musique, en peinture. » Bonjour Laurie Hirlerin. Du mythe à la réalité, nous allons passer de la duchesse de Guermantes à la vraie comtesse Gréful. Et avec vous, nous allons voir que le modèle vaut largement le personnage qu'on a tiré de lui. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est la comtesse Gréful, égérie de Marcel Proust, qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Laure Hirlerin, journaliste, écrivain et biographe, auteur de La comtesse Gréful, l'ombre des Guermantes, aux éditions Flammarion. La vraie vie de la muse de Proust, dit le bandeau de cette biographie chez Flammarion. Et c'est vrai que le personnage d'Oriane de Guermantes a un peu fait d'ombre au véritable personnage de la comtesse Gréful, Laure Hirlerin. Oui, et il lui a fait d'autant plus d'ombre qu'au fond, elles étaient assez différentes. La comtesse Gréful, il faut le souligner, a fait partie des inspiratrices de la duchesse de Guermantes, mais également de sa cousine, la très belle princesse de Guermantes, dont la description dans la baignoire à l'opéra est directement inspirée d'elle. Mais dans le roman de Proust, Oriane de Guermantes est un personnage assez futile. Un peu léger, on va dire. Léger, d'une grande sécheresse de cœur, qui était tout le contraire de la comtesse Griffule, qui était une femme non seulement très belle, tous les hommes étaient à ses pieds et l'admiraient follement, mais c'était également une femme très généreuse, très bonne et qui s'intéressait à un nombre de choses absolument invraisemblables. Sa curiosité pour les choses de l'art, de la littérature et de la science n'avait en quelque sorte pas de limite. Elle est un peu au XIXe siècle le successeur, si je puis dire, de Madame Geoffrin, de Julie de l'Espinasse, enfin de ces grandes dames qui tenaient salon au XVIIIe siècle. On va y venir dans un instant. Ce que vous nous révélez pour commencer, c'est que contrairement à une légende, et moi j'avais entendu ça dans mes cours de littérature autrefois, on nous disait qu'en fait Proust et la comtesse Griffule ne s'étaient quasiment pas connus. Oui, et cette légende a été alimentée par les deux, parce que c'est Proust, qui était un peu agacé par le. Il disait les gens du monde sont insupportables. Ils veulent toujours savoir qui est qui derrière. Voilà. Ils veulent donc les clés. Voilà. Le jeu de clés l'énervait beaucoup. Et elle, de son côté, était assez agacée parce que ce qui lui revenait aux oreilles de tous côtés, on la confondait avec la duchesse et elle estimait qu'elle était comme très, très différente et d'une certaine manière bien supérieure, en tout cas d'un point de vue spirituel à la duchesse de Guermantes. Donc, et à la fin de sa vie, elle disait, je l'ai à peine connu, c'était un petit homme noir qui m'arrivait à l'épaule, il réclamait tout le temps ma photographie, il était assez collant. Et en fait, en travaillant sur les archives et sur la correspondance, on s'aperçoit qu'ils se sont très bien connus. Ça a été une rencontre manquée dans la vie, mais une rencontre réussie en littérature. C'est-à-dire que lui a cherché à la connaître par tous les moyens, à l'époque où elle le dédaignait un peu, et ensuite, quand lui s'est enfermé pour écrire la recherche, c'est elle qui lui envoyait des invitations, invitation sur invitation. Suis-moi, je te suis. Voilà, elle menaçait de venir le voir, ce qu'il refusait avec horreur à l'idée qu'elle puisse faire une apparition dans son antre. Et ce jeu de cache-cache est assez étonnant. Et sur la fin de sa vie, elle avait une vraie passion, enfin fascination en tout oui, cas pour Proust. Aux gens qui l'interrogeaient sur le sujet, parce qu'on non, elle disait le contraire. Elle disait le contraire. Mais dans ses archives, on voit qu'elle cherchait tout le temps à revoir le docteur Robert Proust, qu'elle collectionnait tous les articles sur Proust, et elle songeait à écrire ses mémoires, et elle se rendait bien compte que c'était quand même un point capital dans ses mémoires. Mais tout à fait à la fin de sa vie, ses souvenirs s'étaient un peu obscurcis, donc elle n'était plus capable de rassembler les souvenirs nécessaires pour écrire ses mémoires. Et elle a senti qu'elle était passée à côté de quelque chose. Proust lui avait envoyé tous les volumes de la recherche, qu'elle n'a pas pris le temps de lire, pas la peine de lire. Mais elle sentait obscurément qu'elle était passée à côté d'un grand génie, elle qui avait pourtant lancé tant de musiciens, tant de génie. Et qui avait la passion du génie, c'était peut-être ce qui l'attirait le plus finalement. Oui. C'était une femme qui avait une sorte de génie des relations publiques et elle savait mettre les gens en relation au moment où il le fallait. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a joué un rôle absolument clé et très mal connu dans la musique au tournant du siècle. Alors on va y venir, bien entendu. Vous avez eu beaucoup de chance de trouver cette longue relation de plusieurs pages de Proust racontant, alors là, non plus du tout Oriane de Guermantes, mais bien sa chère comtesse. Oui. Hein. Ce texte, tout le monde savait qu'il l'avait écrit puisqu'il devait paraître dans le Figaro et puis pour une raison inconnue, il n'avait jamais paru et tout le monde se demandait pourquoi. Eh bien, la raison, c'est tout simplement qu'il avait envoyé les épreuves à la comtesse Griffule et qu'elle a refusé que ça paraisse parce qu'elle avait probablement peur que son mari ne soit pas d'accord. Et donc, c'est resté dans les limbes des archives familiales. Et vous-même, c'est Proust qui vous a amené à la comtesse Griffule, c'est comme absolument. Ça que... Oui, parce qu'à cette époque, je faisais des recherches sur un autre sujet. Je pensais écrire un essai sur le bazar de la charité. L'incendie du bazar de la charité, dont nous parlerons dans quelques jours ici même, d'ailleurs. Et puis, parallèlement, je m'étais replongée dans la lecture intégrale de la recherche. Un jour, dans un carton d'archives, je suis tombée sur une série de coupures de presse sur la comtesse Griffule. Et là, comme un mauvais chien de chasse, j'ai pris le change et j'ai décidé d'écrire quelque chose sur la comtesse Griffule. Vous connaissiez vous-même des gens qui avaient déjà travaillé oui, sur absolument. Elle? Absolument. Alors, je me suis souvenue que il y avait une très bonne biographie qui était parue sur elle il y a 25 ans par son arrière-arrière-petite-fille, Anne de Cossé-Brissac, que je connais bien parce que je suis amie avec ses parents qui sont mes voisins à la campagne. J'ai relu le livre et j'ai constaté que le personnage valait vraiment la peine qu'on s'y intéresse et qu'on pouvait développer certains aspects. Et avec une grande générosité, en attendant que je puisse accéder aux 200 cartons du fonds d'archives Gréful déposés aux Archives nationales, elle m'a donné une malle avec le fruit de toutes ses recherches depuis 10 ans. La première des grandes célébrités, nous en parlions avec un spécialiste du sujet il y a quelque temps, la première des grandes célébrités aura été Sarah Bernhardt. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'exactement à la même époque que Sarah Bernhardt, la comtesse Gréful était quasiment aussi connue et qu'on cherchait dans les relations de presse de la moindre soirée, de la moindre première ou inauguration ou vernissage, on cherchait le nom de la comtesse Gréful. Le fait qu'elle fut présente, donnait immédiatement une sorte de lustre à l'événement. Je me souviens d'ailleurs, dans les mémoires de Pierre de Nolhac, de ce très beau passage où il raconte le déjeuner qu'elle avait organisé avec le président du Sénat à Versailles pour essayer de restaurer ce qui avait été autrefois l'Opéra Royal et qui était devenu par la suite la salle du Sénat à Versailles. Et donc il fallait faire de très gros travaux pour rendre à la grande salle de Gabriel sa splendeur native. Et ça avait passionné Madame Gréful, qui était en quelque sorte à la confluence des arts et de la musique. Elle trouvait ça magnifique. Elle organise donc ce grand déjeuner et alors Nolhac, avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour, raconte comment tout ça se passe, la comtesse Gréful arrive, etc. Lui-même est dans ses petits souliers, beaucoup plus que lorsqu'il reçoit un souverain en visite, alors que Dieu sait pourtant qu'il a fait souvent visiter Versailles à toutes les têtes couronnées d'Europe, et même d'ailleurs. Et là, elle arrive, il est tétanisé, etc. Et alors il dit... Beaucoup, en gros, la conclusion, c'est beaucoup de bruit pour rien. Elle a fait beaucoup d'agitation, le déjeuner a pris des proportions incroyables, c'était un moment fabuleux. Et puis, il n'a plus jamais entendu parler de rien. Et ça fait partie de cette espèce de réputation un peu volage qu'elle traîne dans son sillage et contre laquelle vous vous élevez en ce qui oui, vous concerne. En l'occurrence, si le projet n'a pas abouti, ça n'était pas de sa faute. Elle rêvait de recréer un Bayreuth français. Elle avait même demandé à Fauré si on pourrait cacher la salle souterraine, etc. Mais malheureusement, les sénateurs, le bureau du Sénat qui détenait la gestion de cette salle, ils se sont révélés inviolables. Elle a essayé de faire intervenir son vieil ami Gustave Le Bon. C'est ça? Dans une lettre très drôle, il dit je vais vous trouver un sénateur, mais je crains qu'il ne reste inviolable. Et Dieu sait ce que vous ferez de cette salle, une usine à sorcières, un réceptacle pour ce soirée complètement exotique. Enfin, et elle avait une relation très amusante avec Gustave Le Bon, qui la mettait en boîte avec beaucoup d'humour dans ses lettres. Alors dans un instant, avec vous, Laurie Lerin, nous revenons sur la vie de cette comtesse Gréful à qui vous consacrez une belle biographie chez Flammarion, biographie sous-titrée « L'ombre de Guermantes ». De trois préludes sur des airs irlandais de Reynaldo Hahn. Revenons à la vie de la comtesse Gréful avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Laurie Lerin, journaliste, écrivain et biographe, auteur de La comtesse Gréful, l'ombre des Guermantes aux éditions Flammarion. Gréful était évidemment le nom de son mari, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elle-même est issue de deux des plus grandes familles possibles. On est vraiment là dans ce qu'on appelle la très haute aristocratie, à un moment où ça joue un rôle essentiel, dans cette belle époque où l'aristocratie est en train de reprendre toute la force qu'elle avait depuis presque un siècle perdu. Elle est descendante, évidemment, elle est née Caraman Chimay, s'il vous plaît, et par sa mère, elle est Montesquieu. Oui, elle était la nièce de Robert de Montesquieu, il y avait un décalage de génération. Et donc, elle descendait de l'illustre famille de Caraman Chimay, les princes de Chimay, elle avait en plus de ça des origines quasiment mythologiques, parce que ce qui est assez amusant, c'est que son arrière-grand-père avait épousé Madame Tallien, ah oui. Notre-Dame de Thermidor, et son fils avait épousé Émilie de Pélaprat, qui était la fille naturelle de Napoléon Ier avec Émilie le roi. Pouspé-Lapra. Et donc, elle descendait de l'aigle en personne et de Notre-Dame de Thermidor. Et ça a certainement inspiré Proust quand il parle des origines mythologiques. Bien sûr. Des origines mythologiques de Guermantes qu'on croirait née d'un aigle et d'un oiseau. D'un phénix, oui. D'un phénix, voilà, c'est ça, oui. Alors, c'est une famille où l'art est particulièrement prisé, il faut le dire, la musique aussi. Elle reçoit ce qu'on appelle une excellente éducation. Oui, une éducation très originale. Complète, pour oui, voilà, c'est ça. Où, dans la bonne société, très souvent, on ne pensait qu'à faire des filles que des petites oies qui ne parlent pas trop. Elle, sa mère, Marie de Montesquieu, était une grande musicienne, comme vous l'avez souligné. La famille de Chimay était également une famille de mécènes, de mélomanes. Elle a reçu une éducation excellente. Tous les enfants jouaient de la musique. Elle-même a énormément lu dans son enfance. Ses parents lui avaient même fait passer son brevet d'institutrice, qui est assez étonnant quand même. Et elle avait une culture bien supérieure à celle des femmes de son époque. Elle s'intéressait à la politique, elle s'intéressait aux sciences. Elle a tenu un salon politique qui a joué un certain rôle avant la guerre de 14 et pendant la guerre de 14. Et surtout, c'était une personnalité. Alors, elle était très connue pour son élégance un peu fantasque. Elle avait des robes qu'elle dessinait elle-même qui étaient très originales. D'ailleurs, le musée Galliera projette de faire une exposition sur ces robes qui devait avoir lieu cet hiver mais qui a été repoussée. Ça, c'était pour l'apparence. Elle cultivait également une certaine stratégie du prestige qui consistait à répondre peu aux invitations, à arriver toujours en retard, à partir très tôt. Donc, quand elle passait dans un salon... C'était une étoile filante. Mais derrière ça, elle avait beaucoup de fond. C'était une femme qui non seulement avait beaucoup de cœur et beaucoup de culture, mais qui a vraiment eu à cœur d'aider les jeunes musiciens, toute la jeune génération de musiciens. C'est grâce à elle, grâce à une idée simple mais géniale, que Marie Curie a trouvé le financement de l'Institut du Radium. C'est grâce à elle que Édouard Branly a pu conserver son laboratoire, dont il menaçait d'être expulsé. Parce qu'il était à l'Institut catholique et avec la séparation de l'Église et de l'État, l'État voulait résilier son bail. Et comme elle connaissait tous les politiques, elle a fait intervenir Alexandre Bilrand et immédiatement, Branly a gardé son laboratoire. Alors, nous allons revenir sur la science et sur la musique, bien entendu, et sur le rôle qu'a pu jouer dans cette vie de recherche et de culture la comtesse Gréfulle. Mais pourquoi comtesse Gréfulle ? Il faut peut-être raconter sa rencontre avec son mari, Henri Gréfulle. Oui, alors la famille Chimay était une grande famille, assez désargentée. Le prince de Chimay était diplomate. Et il devait entretenir l'énorme château familial. Et donc, elle n'avait que ses beaux yeux comme dot. Et le comte Henri Gréfulle, lui descendait d'une famille de banquiers. C'était, je dirais, le célibataire le plus éligible de l'époque. Toutes les mères rêvaient de marier leur fille avec lui. Il avait une énorme fortune. C'était d'une famille plus récente, mais qui avait de bonnes alliances. Sa mère était une La Rochefoucauld. Donc les présentations ont eu lieu comme elles avaient lieu d'habitude, c'est-à-dire qu'on commence par montrer la jeune fille au jeune homme qui décide qu'elle est... Tout ça est un peu sordide vu de l'extérieur, mais c'était l'habitude à l'époque. Voilà. Hein. Mais bon, on faisait quand même les choses dans les formes, on s'arrangeait pour que la jeune fille tombe amoureuse de son mari, ce qu'elle a fait. Il faut dire que le comte Gréfulle était très beau et assez séduisant, et il a fait tout ce qu'il fallait pour séduire... la jeune fille, ils ont joué du piano à quatre mains. Il y a eu des frôlements de mains dans les jardins sous la lune. Et donc, elle s'est mariée, elle se croyait amoureuse de lui. Mais malheureusement, elle a vite déchanté. Ben oui, c'est ça, il avait un comportement qui n'était pas exemplaire. Il y avait beaucoup d'hommes de mari volage à l'époque, mais lui, il était dans des proportions quand même assez considérables. Ouais, il est totalement papillonnant et la trompe constamment, en fait. Hein. Elle, qui avait tous les hommes à ses pieds, le seul, finalement, on ne peut pas dire qu'il était insensible à son charme, parce qu'il était très fier d'elle et de son élégance, mais c'était vraiment non seulement un mari volage, mais il avait un côté pervers, manipulateur, très très violent. Elle a été assez malheureuse, et d'ailleurs dans la recherche, ça ressort bien dans les relations entre le duc et la duchesse de Guermantes. Parce que finalement, ça c'est étrange, le duc de Guermantes, c'est un peu le comte de Greffus. Ah, ça n'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est-à-dire que de tous les personnages de la recherche, qui sont tous composés de plusieurs éléments, lui est le seul à être pratiquement tout d'une pièce le portrait du comte Greffus. Et Proust le connaissait, mais il s'est arrangé pour l'ausculter de beaucoup plus près grâce à son ami Reynaldo Hall, qui connaissait sa vieille maîtresse, Madame de la Béraudière. Il a eu l'occasion un jour d'être reçu chez lui et de parler avec lui pendant plusieurs heures. Et Ferdinand Bach, dans ses mémoires, raconte la scène qui est très amusante. On voit Proust comme un entomologiste. Voilà, comme un entomologiste. On s'attendait à ce qu'il sorte son scalpel pour lui ouvrir le crâne. Et les portraits qu'on a du comte Greffus du duc de Guermantes dans la recherche sont directement inspirés. Alors, laissons la recherche de côté un instant pour revenir à la vraie vie de notre héroïne. Comment lance-t-elle son salon? Ça se passe comment? Parce que bientôt, elle va devenir la personne chez qui il faut aller, bien entendu, rue d'Astorg. Mais qui peu de gens avaient l'honneur d'être invités. Voilà. Elle avait deux salons, rue Lastorg, et puis le château de Boisboudran, dans lequel elle donnait de très belles réceptions. Ils avaient fait construire des réunions de chasse au départ, plutôt. Ah oui. C'était une des chasses les plus célèbres d'Europe. Mm-hmm. Tous les rois d'Europe et de Russie, enfin les princes venaient. Il y avait le prince de Galles, bien entendu, qui était un grand ami du comte Greffus, le roi Édouard XIII, le roi Alphonse XIII, le prince du Portugal, le grand-duc Vladimir. C'était des chasses où on tuait des milliers d'oiseaux au cours d'une seule battue. Il y a quelques films d'ailleurs qu'on peut voir à la Bibliothèque nationale et c'est absolument impressionnant. C'est un véritable ballet. On voit le grand-duc Vladimir qui a deux chargeurs et qui jongle avec les fusils et qui tire à jet continu. Il est étonnant qu'une femme qui avait des obligations familiales et mondaines extrêmement importantes dans ce milieu de la très haute société de la Belle Époque ait pu par ailleurs avoir l'indépendance d'esprit de s'intéresser à certains musiciens d'avant-garde, à la recherche scientifique, ce qui n'était pas du tout normalement dans les habitudes et dans les usages d'une dame du monde. Elle avait une curiosité d'esprit très éclectique. Et alors, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de faire grand-chose. Il n'était pas question qu'elles travaillent, bien entendu. Et elles avaient une seule possibilité, c'était les bonnes œuvres. Et elle, un jour, a eu une idée de génie. Elle a dit, au fond, pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas un concert au profit de la société philanthropique qui était la bonne œuvre de la famille Greffus? Elle a organisé ce concert, qui a très bien marché. Et à partir de ce moment-là, elle a créé la Société des grandes auditions musicales, à laquelle elle a associé tous ses amis, mécènes, musiciens, tous les jeunes musiciens de l'époque. Et elle est devenue véritablement organisatrice de spectacles. D'événements, oui, donc comme on dirait nous aujourd'hui. Oui. Voilà, elle a réussi à franchir absolument les frontières qui étaient réservées aux femmes de son milieu. Le secret pour réussir dans ce métier bien particulier, c'est d'avoir des relations avec la classe politique, bien entendu, avec les gouvernants de l'heure. D'où viennent les liens très serrés que va tisser la comtesse Greffus avec les hommes politiques les plus variés? Vous parliez tout à l'heure de Le Bon, elle était proche de Mirand, enfin, etc. Un certain nombre de hautes personnalités. Oui, bien sûr. Les présidents de la République, Deschanel, tous les uns après les autres, bien sûr. Oui. Mirand, Aristide Briand, Clémenceau. Même Clémenceau, ça paraît fou. Plus tard, Léon Blum. Elle recevait, en fait, alors, les quelques mauvaises langues trouvaient qu'elle recevait une société mêlée. Parce qu'elle recevait des politiques qui étaient considérées dans son milieu comme de dangereux révolutionnaires. Mais elle, c'était une femme qui était très large d'esprit. Quand quelqu'un lui plaisait et quand elle estimait que c'était un politicien plein d'avenir, elle l'invitait. Elle était très amie de Joseph Caillaux, par exemple. Voilà. Qui était un esprit très très brillant, très fertile, même s'il était politiquement bien éloigné d'elle, évidemment. Parce qu'on est quand même dans la société dite du faubourg Saint-Germain, même si elle habitait, elle, rue d'Astorg. Mais c'est... Il a été le promoteur de l'impôt sur le revenu, qui a quand même fait beaucoup gémir le comte Greffus. Bien entendu. Elle a été dreyfusarde. Elle a prêté d'ailleurs son dreyfusisme à la princesse de Guermantes. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, elle aimait provoquer un peu? On l'a vu dans la façon qu'elle a eue d'imposer littéralement Wagner à la société parisienne, qui a priori n'en voulait pas. Elle va loin de ce point de vue. Alors là, c'est plutôt Madame Verdurin d'un seul coup, mais bon. Oui, alors Madame Verdurin, à la fin de sa vie aussi, quand on la voit présider au ballet russe dans sa loge. Et puis elle est aussi, à certains passages, elle est aussi Odette de Crécy, quand Odette de Crécy se promène au plus bois, légère, telle oui. Hypatie marchant sur les mondes. Oui, provocatrice peut-être, mais elle était surtout libre d'esprit et elle avait envie de faire partager ses passions et sa passion pour la musique notamment. Audrey nous dit via Twitter qu'elle est très peu familière de l'univers proustien, mais que Madame Hillerin lui donne envie d'aller y faire un tour, dit-elle. Alors le meilleur moyen, c'est de lire votre biographie, bien entendu, mais pour tous ceux de nos auditeurs qui sont peu familiers effectivement de cet univers, de ce Paris de la Belle Époque, de cette haute société, on pourrait presque dire internationale, car viennent s'y mêler beaucoup d'artistes de tous les pays, des têtes couronnées venant de l'Europe entière. Comment expliquer que cette société très royale, d'une certaine manière, et largement monarchiste, ait pu s'allier et s'entendre aussi bien avec la Troisième République. Troisième République, franc-maçonne, radicale, assez éloignée finalement en apparence de tout ça. C'est un mystère pour... Quand on ne connaît pas bien cette époque et ce milieu, on ne comprend pas comment ces grands aristocrates peuvent s'entendre avec ces hommes politiques républicains, d'une certaine manière. Elle était quand même un peu une exception. Dans son milieu. Elle était quand même une des rares à recevoir... À faire des passerelles, en fait. Oui. Voilà, oui, exactement. C'était une passerelle. Elle ne rêvait que d'être un intermédiaire entre les gens de bonne volonté. Et donc, c'est dans son salon, par exemple, qu'on a conclu les prémices de l'entente cordiale, par exemple. Incroyable. Voilà. Alors, je l'ai décoré dans mon livre du titre de « Reine in partibus de la Troisième République ». Mais oui, c'est ça. Ce qui, finalement, lui va assez bien, parce qu'elle recevait beaucoup mieux que les réceptions à l'Élysée avec... Mais qui était un peu lourdingue, oui. Voilà, qui était un peu lourdingue. Donc, comme le dit très bien Proust, dès qu'un souverain étranger passait à Paris... C'était... Donc, elle faisait un pont, en fait, entre Ça, c'est vraiment très passionnant. Alors, à Paris, rue d'Astorg, bien entendu, il faut dire ce qu'était cet hôtel particulier en deux mots. C'est quelque chose. Un ensemble de quatre hôtels particuliers qui communiquaient par un jardin. Il y avait le 8, 10, 12 rue d'Astorg. Incroyable. Et puis la rue de la Ville-l'Évêque, qui était démolie depuis, puisque Groupama a construit. Mais c'était On est tout près de l'Élysée, hein, faut dire, hein, ça tombe bien. À deux pas de l'Élysée, absolument. Mais... Oui. Et tout le monde rêvait d'être reçu. Alors, on allait aussi à ces chasses inouïes au bois Boudran. Et puis, il ne faut pas oublier la villa au bord de la mer aussi. Dieppe. Oui, Dieppe. Son beau-père avait acheté cette villa pour elle. Pour elle, c'était une petite chose. Pas une chaumière, mais c'était une énorme, de ces énormes villas anglo-normandes. Elle a disparu malheureusement dans les bombardements. Et là, c'était son espace de liberté. Parce que Henri Greffu, il venait très peu, il s'ennuyait. Et donc, c'est là que tous les étés, elle recevait ses amis musiciens, le prince de Polignac, dont elle avait fait le mariage avec Winaretta Saint-Gilles, bien entendu. Les machines à coudre. Oui, absolument. L'union de la lyre et de la machine à coudre, comme disait je ne sais pas qui. Et son ami Gabriel Fauré, qu'il appelait Madame Maffé, mon roi de Bavière, et puis Robert de Montesquieu, bien entendu, qui lui avait d'ailleurs présenté Fauré. Donc là, c'était vraiment son espace de liberté. Quand on aime celle qui s'est inspirée d'elle, d'une certaine manière, quand on aime cette duchesse de Guermantes, avec ce côté fantasque, léger surtout, etc., on adorerait que... Quelque part, le physique, c'est une certitude, mais le moral de Madame Greffule ressemble. Et vous me dites pas du tout, elle est beaucoup plus humaine, elle est beaucoup plus profonde, elle est moins fofolle d'une certaine manière. Mais le physique est inspiré beaucoup de Madame de Chevigny. Son physique, c'est plutôt la princesse de Guermantes avec ses yeux admirables. La duchesse de Guermantes, c'est plutôt l'aplomb, le côté un peu provocateur, la façon de s'habiller très originale, mais c'est vrai qu'elle ne se résume pas du tout à la futile et assez méchante Oriane, finalement. Il n'y a pas ce côté extrêmement froid et dur, un peu reptilien, qu'on trouve dans le personnage de Proust, surtout dans les dernières pages de la recherche, bien entendu. La comtesse Greffule, l'ombre des Guermantes, c'est votre biographie, Laure Hillerin, publiée chez Flammarion, avec tout un cahier photo extraordinaire pour tous ceux qui aiment cette époque et qui vont retrouver les personnages auxquels nous sommes attachés d'une certaine manière et les lieux également où évoluait cette belle société de l'époque 1900. Disons, ça se passe, la grande période, c'est la décennie 1890 en fait. Essentiellement. La grande période, c'est jusqu'à la guerre de 14. Oui, et puis ça se prolonge un peu après, évidemment. Les muses, entre 1850 et 1950, des femmes d'exception, d'Evelyne XVI, ça c'est aux éditions Ouest France. Il y aurait un grand nombre d'ouvrages à citer, mais puisqu'on parle des muses, je vais vous parler d'une des miennes qui joue samedi prochain, le 15 novembre à 20h30 au théâtre du Casino d'Anguin et qui joue une pièce d'Hippolyte Wouters, de l'ami Wouters qui est venu souvent dans cette émission. Ça s'appelle Ninon, l'enclos ou la liberté, et la muse en question, vous aurez reconnu bien entendu qu'il s'agit de Cyrielle Claire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de David. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et il aimerait connaître les origines du cerf-volant. Alors une petite précision peut-être déjà sur le terme cerf-volant, c'est assez bizarre comme nom, vous avouerez. Il semblerait, pour autant qu'on sache, que ça vienne de l'ancien français serpe volante. Une serpe autrefois, c'était un serpent tout simplement. Et vous savez qu'il y avait bien sûr beaucoup de légendes de serpents ailés, de dragons volants, qu'il y a des serpents et des dragons dessinés parfois sur ces engins volants. Et donc ce serait l'origine serpe volante. Et puis alors comme le terme de serpe a disparu, eh bien c'est devenu petit à petit cerf-volant qui... du reste est aussi le nom d'un coléoptère. Alors d'où ça vient ce cerf-volant ? Ben, je parlais de dragons, de serpents ailés, ça nous fait penser à la Chine bien entendu, et la légende ou en tout cas l'habitude voudrait que cette invention soit chinoise. En fait, il semblerait plutôt que le cerf-volant ait été inventé par les Indonésiens qui auraient réalisé les premiers cerfs-volants alors il y a très très longtemps, quelques 1500 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est certain, c'est qu'on trouve des cerfs-volants en Chine. Alors là, oui, incontestablement, à partir du 4e siècle avant notre ère, avec une armature en bambou et un voile de soie ou de papier, on se servait de ces cerfs-volants dans les grandes fêtes, pour effrayer les ennemis, il faut le dire aussi, dans les batailles. Ça faisait partie de l'apparat d'une armée. Et puis ça servait aussi à porter des messages. Lorsqu'on sait très bien les manipuler, ça peut être utile. L'invention n'arrivera en Occident qu'aux alentours du 12e siècle. Est-ce que c'est par Marco Polo ? Oh, j'ai envie de dire encore Marco Polo, mais vous savez bien qu'on ne prête généralement qu'aux riches.